qu'on est devenu. Ces gosses de rue qui passent pas leur garde pour un regard dans la rue. C'est œil pour œil et cul pour cul. Qui aurait cru qu'un vrai crouille du pauvre c'est réussirait tout soit détrouillé. Dans le coin la même bien, les mêmes douillés. Les poulets nous fouillés, parfois nous toucher les couillés. Ça finit par s'embrouiller, tous illicites. Toutes les patrouilles sont couchées, sont touchées. Attention je suis bouché, tu finis sur la touche et fauché. Comme Archouche avec notre trousse moche, personne sera embauché. Normal que je décroche une gauche, à cheval sur Pinochet. Au cachot, le touch est pichonné. Pistonné chez les gros bonnets. Gironde caissonne, au stepo, personne tu connais. Faut pas déconner, pour pas faire le faux pas et pas canner. Dans la cam, y'a rien à gagner. Faut pas te paner pour remplir ton panier. Évite la tanière du tâché. On est devenu traîneur de rue, teneur de mur. Dealer de seum de pur, j't'assure. 100% pur sang, je rase pas les murs. Les temps sont durs, c'est sûr, ma vie est une ordure. On est devenu traîneur de rue, teneur de mur. Dealer de seum de pur, j't'assure. 100% pur sang, je rase pas les murs. Les temps sont durs, c'est sûr, ma vie est une ordure. Grand garçon, j'suis, j'ai l'intention d'assumer. En la rue et ses leçons, j'ai toujours la fidélité. Assermentée, expertisée, le terre-terre a fait de moi une spécialité. La chaîneté, j'ai su la maîtriser. J'suis là pour volatiliser. La volaille en poulet brisé. Car toutefois, ils ont brisé ma porte, déboulé dans la barque. Je jure, là j'suis dur, je garde pas des souvenirs mais des marques. J'suis devenu cet individu. Vu du mauvais point de vue, présenté en tant que fils immigré. Renié comme mon passé, même dans mon pays ma fierté est pillée. Avant même que je l'ai, la vérité, mon héritier la connaît. Enculé, c'est moi facile pour manipuler. Pour ma famille, mes associés, je dois stipuler. Enculé, je pars pas simuler, tu vas simuler. On t'aime, on t'aime, on t'aime, ouais. On est devenu traîneur de rue, teneur de mur. Dealer de seum de pur, je t'assure. 100% pur sang, je rase pas les murs. Les temps sont durs, c'est sûr, ma vie est une ordure. On est devenu traîneur de rue, teneur de mur. Dealer de seum de pur, je t'assure. 100% pur sang, je rase pas les murs. Les temps sont durs, c'est sûr, ma vie est une ordure. Je traîne dans les premiers rangs des tranchées, pas dans les ordres branchés. Ramène pas ta bouche ou je vais la débrancher. Hyper cul droit tranché, direct déçonné. Dans la poche pas de monnaie, mon portrait est moche, c'est pas un monnaie. Coup de broche dans ton déhanché, Zeller le rap, c'est mon créancier. Envoie les billets verts, je deviens chancelier. H24, je fais les criquets, je squatte les cages d'escalier. Trafic de touch, genre le briquet, et ça je suis taillé. C'est vrai, je suis, ok. Je reste rancunier, et comme RAT, y'a rien à gratter sur la tête enculé. Rien ne sert de s'enculer, ça finira par canner cagoulé. La brigade canine veut nous soulever. Je viens évacuer, même si c'est miné. Agent sur l'argent, je suis en train d'éjaculer, enculé. Tous mal parés, ça me fait marrer. Noyau dur, je finis dans le mur comme une balle carrée. On est devenu traîneur de rue, teneur de mur. Dealer de seum de pur, je t'assure. 100% pur sang, je rase pas les murs. Les temps sont durs, c'est sûr, ma vie est une ordure. On est devenu traîneur de rue, teneur de mur. Dealer de seum de pur, je t'assure. 100% pur sang, je rase pas les murs. Les temps sont durs, c'est sûr, ma vie est une ordure.